Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, le Québec et la déficience intellectuelle au 20e siècle. Nous sommes encore en 1969, des fois très, très étonnés des remarques de pédagogues qui ne connaissent absolument pas ce qu'est un enfant inadapté et quels sont les besoins de ces enfants-là. Marcel Saint-Jacques, de la Commission des écoles catholiques de Montréal, à l'émission Présent le 27 octobre 1969, que comprenons-nous de la déficience intellectuelle? Une question qui, aujourd'hui encore, reste très actuelle. De quelle manière sera traitée la déficience intellectuelle au Québec au cours du 20e siècle? Quelle vision en auront les communautés religieuses qui seront les premières à s'en occuper? Comment se traduira plus tard la prise en charge de la déficience intellectuelle par l'État québécois? Et aujourd'hui, où en sommes-nous dans notre perception de la déficience intellectuelle? Autrefois, lorsque dans un village, il y avait ce que les Provençaux de chez nous appellent un fada, un demeuré, l'idiot du village. On rit toujours de l'idiot du village, chaque village a son idiot. Bien, cet idiot était pris dans une civilisation patriarcale, il était pris dans un ensemble de gens qui peut-être se moquaient de lui, qui peut-être laissaient les enfants lui lancer des pierres, mais qui quand même savait ce qu'était un idiot, mesurait exactement le degré de son danger, savait que tel idiot avait la spécialité, par exemple, de mettre le feu au meule de paille, que d'autres, l'un autre était un exhibitionniste, que celui-là était un peu pervers et tordait volontiers le cou à une poule, mais on le connaissait, et cet idiot ou ce débile mental pouvait vivre dans cette société fermée qui le surveillait. Mais imaginez ce même idiot, ce même pervers, ce même débile mental mis dans une ville. Il devient absolument un déchet d'humanité, il devient invivable, il devient insociable, et il y a maintenant une démarcation profonde, totale, entre les possibilités qu'avait un malade mental d'il y a 50 ans ou d'il y a 100 ans dans un milieu rural ou dans une petite ville de province de vivre, et la vie de ce même débile mental dans une civilisation qui le broie, qui le lamine, qui le rejette, et qui le désespère tellement qu'il ne peut finir qu'à l'asile, qui est véritablement devenu son refuge. L'écrivain français André Soubiran, l'émission Rencontre française, diffusée en mars 1960, pourra tracer l'histoire de notre rapport à la déficience intellectuelle au 20e siècle au Québec. Mon invité est l'historienne Lucia Ferretti, professeure à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Lucia Ferretti, bonjour. Bonjour. C'est intéressant cet extrait qu'on vient d'entendre. Évidemment, il y a le vocabulaire qui nous fait un peu sursauter aujourd'hui, mais quand même, sur le fond, ce que dit André Soubiran est assez juste. L'urbanisation va avoir un impact énorme dans notre rapport à la déficience intellectuelle. Puis c'est vrai, Lucia Ferretti, que contrairement à ce qu'on peut penser, avant 1945, il y a très peu de déficients intellectuels qui se retrouvent en institution, finalement. Oui, c'est vrai. C'est vrai pour les raisons que votre invité a dit. C'est-à-dire qu'en effet, dans une société rurale où les modes de vie sont bien encadrés, dans une société où on n'a pas besoin non plus de beaucoup de scolarité pour être un employeur utile et même un très bon travailleur, l'institutionnalisation est moins nécessaire. Il y a aussi le fait que, surtout au début du 20e siècle, on ne savait pas soigner. Les personnes les plus atteintes mouraient souvent avant d'être placées. Mmh. Et puis, c'est ce qui explique que le taux d'internement n'a jamais dépassé 30% avant 1945. Et puis, dans le cas, encore une fois, dans le cas de la déficience intellectuelle plus légère, il est plus invisible, au fond, dans ces sociétés plus traditionnelles, le déficient intellectuel. Oui, c'est parce que de nos jours, on a toujours l'impression que la déficience intellectuelle, c'est quelque chose de génétique qui se voit beaucoup. Spontanément, on pense à la trisomie 21. Mais en réalité, la déficience intellectuelle, c'est une panoplie de conditions qui sont placées sous ce nom-là. Oui. Et dont plusieurs, en effet, portent pas nécessairement de signes physiques. Bon, je reviens à cet impact important du développement des villes dans notre rapport à la déficience intellectuelle. Avant 1945, les déficients intellectuels qui vont se retrouver en institution sont souvent des enfants qui sont issus de familles ouvrières, nouvellement arrivés en ville. On écoute à ce sujet l'historien André Sellard à l'émission Au fil du temps en 1991. Il faut pas oublier que les gens qui partent de la campagne et qui arrivent en ville n'ont pas d'endroit dans les petits appartements qui leur sont alloués pour garder ces personnes-là. À la campagne, la personne souffrant de désordre mental pouvait toujours apporter son aide à l'économie familiale. Il y avait toujours de la place sur la ferme et on pouvait lui donner du travail. À la ville, c'est pas possible. Parce qu'à la ville, la personne, l'ouvrier, doit aller travailler. ne peut pas rester à la maison pour s'occuper de quelqu'un. La personne ne peut pas se rendre utile parce que la seule production qu'il peut y avoir, c'est la production donc industrielle ou marchande. Donc, la personne reste à la maison et ça prend absolument quelqu'un pour la garder. Dans les cas où on a quelqu'un pour la garder, ça va, mais dans beaucoup de cas, il n'y a personne. Les familles demandent quelque chose, en tout cas. Ils demandent peut-être pas la solution qui va être imaginée par les classes dirigeantes, c'est-à-dire l'asile, une institution donc qui va amener les gens à l'extérieur, mais ils demandent quelque chose, ça c'est certain. Il y a une demande à cet égard-là. Que demandent ces familles dont parle André Sellard dans cet extrait et qu'est-ce qu'on leur offre surtout? Dans quel type d'environnement se retrouvent ces enfants qui souffrent de déficience intellectuelle? Quel genre de service, à quel genre de service ont-ils droit? Ben, jusqu'aux années 1945, c'est vraiment beaucoup l'hôpital psychiatrique qui est le seul lieu qui est disponible pour ces enfants-là. Et d'ailleurs, c'est dans les années 20 que les Sœurs de la Providence à Montréal, les Sœurs de la Charité à Québec, vont ouvrir des petites écoles de réadaptation pour essayer quand même de stimuler les jeunes qu'elles reçoivent à l'intérieur des hôpitaux psychiatriques, dans des sections spéciales, des écoles spéciales. Évidemment, il n'y a pas encore de professionnels qui savent comment faire, mais les sœurs sont allées aux États-Unis. Elles ont été voir ce qui se faisait de mieux aux États-Unis et avec des moyens beaucoup plus modestes, elles vont essayer de créer l'environnement qui permet de stimuler au maximum ces enfants-là. Est-ce qu'il y a, je vous écoute parler de l'importance qu'auront les communautés religieuses, donc avant 1945, et ça m'amène à vous poser la question sur les différences. Est-ce qu'il y a des différences importantes au Québec entre francophones et anglophones, par exemple? Oh oui, il y a des différences vraiment marquées parce que la communauté anglophone, la communauté juive aussi, était beaucoup plus riche que les francophones. Alors, elles avaient les moyens, les familles touchées avaient les moyens d'embaucher du personnel à domicile pour aider la mère à s'occuper des enfants. Aussi, la philanthropie anglophone et juive était très active, hein, c'est dans leur culture. Et ils ont ouvert en 1935 la première école en milieu ouvert, l'école Peter Hall, qui était réservée par contre aux enfants anglophones. Rien de pareil du côté francophone catholique, si je puis dire. Parce qu'à l'époque, hein, les deux sont associés, francophone et catholique. En effet. Ouais. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y aura des transformations sociales qui vont se vivre au Québec et ailleurs. Lucia Ferretti, comment ça va se traduire sur le plan de la déficience intellectuelle? Eh bien, ça va se traduire par un placement en institution plus grand, parce qu'en effet, l'urbanisation de la société s'accroît. Et à ce moment-là, pour les familles qui sont pauvres, le placement en institution, c'est souvent le placement en orphelinat. En orphelinat, les enfants n'étaient pas tous orphelins, hein. Une minorité d'enfants étaient orphelins, mais c'était un pensionnat pour enfants pauvres. Or, dans les orphelinats, on n'a pas la capacité de stimuler vraiment le développement intellectuel des enfants. Il y en a trop, c'est surchargé. Mmh. Alors, ça crée de la déficience. Puis dans les familles de classe moyenne, où là, finalement, on est dans une époque où on pense beaucoup à l'ascension sociale, où la mère doit s'occuper du mari, de ses 4 ou 5 enfants, les familles sont moins nombreuses maintenant, un enfant qui naît, lui, avec une déficience intellectuelle, devient une charge très lourde, prend le temps de sa mère, c'est ce qu'on dit à l'époque. Alors le curé, le médecin, les professionnels vont tous inciter les parents à placer davantage les enfants qui vont se retrouver, eux, parce qu'ils sont atteints de naissance, dans un hôpital psychiatrique. Oui, mais il y a une évolution vraiment des pensées où on se détache, entre guillemets, dans cette classe moyenne plus facilement de cet enfant qui souffre de déficience intellectuelle à ce moment-là, avec la modernité de l'après-guerre. Je ne dis pas que ça a toujours été facile pour les parents, mais c'est le placement qui devient la solution. Oui. Bon, il y a donc de plus en plus d'enfants, pour les différentes raisons qu'on vient de voir, qui sont en institution, ce qui fait que parallèlement va se développer le début d'une vraie expertise en déficience intellectuelle au Québec. Ah oui, c'est frappant. À partir des années 50, il y a énormément de Québécois qui vont étudier à l'étranger, en France, aux États-Unis, qui en reviennent avec une expertise en travail social, en psychoéducation, en éducation spécialisée. Et donc, on a maintenant un noyau de professionnels qui peuvent traiter davantage ces questions-là. Et puis, il y a, en 1950, une petite révolution qui arrive au Québec avec la création de l'école du Mont-Providence. Je vous propose d'écouter d'abord un extrait, l'extrait d'un reportage de Miracri sur Mont-Providence à l'émission Second Regard en 1980. Nous mettons pavillon, on y va, c'est tout. En 1950, les Sœurs de la Providence filment l'arrivée de 325 garçons et filles au Mont-Providence, dont on vient à peine de terminer la construction. Une école offrant des services psychologiques, pédagogiques et médicaux. Avec son école normale, c'était une institution d'avant-garde, offrant le premier programme de formation pour déficients mentaux rééducables à Montréal. Sœur Gilberte Villeneuve assurait la direction des services pédagogiques. Et en 1952, les objectifs du Mont-Providence étaient clairement définis. C'était d'abord de développer toutes les facultés de l'enfant, de le rééduquer, de l'orienter vers une possibilité de vivre dans un milieu le plus normal possible. Nous pouvons dire qu'à Mont-Providence, nous sommes allés plus loin, car là, il s'agissait vraiment de réhabiliter le jeune pour vivre en dehors du milieu hospitalier. En quoi, de quelle manière, ce qu'on vient d'entendre, en fait, cette expérience de Mont-Providence, Lucia Ferretti, de quelle manière ça va être important, en quoi cette école-là, pour l'époque, est avant-gardiste? Eh bien, justement, la sœur Villeneuve l'a dit, hein, on avait établi des programmes véritablement de réadaptation. Et là, on cherchait à développer les facultés motrices, psychomotrices, intellectuelles de l'enfant pour le stimuler au maximum avec l'idée que ces jeunes-là ne soient pas condamnés à vivre en institution à perpétuité, avec l'idée que si on pouvait leur donner suffisamment de stimulation intellectuelle et si on pouvait les doter de comportements aussi sociaux favorables à la vie à l'extérieur, si on pouvait les habituer au travail aussi, il y avait des ateliers de travail, à ce moment-là, ces gens-là pourraient sortir dans la société, pourraient devenir ce qu'on appelait à l'époque, non pas un mangeur de taxes, mais un payeur de taxes. Ouais. Quelqu'un qui contribue d'une manière active, utile à la communauté. C'était ça qui était l'objectif du Mont-Providence. Évidemment, ça coûtait très cher. Ouais. Évidemment, ça coûtait très, très cher. Et le gouvernement fédéral, comme le gouvernement du Québec, à l'époque, ont refusé d'assumer le financement que ça signifiait. Ce qui fait que ça va durer 4 ans, cette expérience-là. Qu'est-ce qui se passe en 54? La nature, la vocation et la nature même de l'institution changent radicalement. Pour des raisons de financement essentiellement, ça va devenir quoi, Mont-Providence? Le Mont-Providence va devenir simplement un hôpital psychiatrique. Les sœurs vont continuer d'une manière presque en cachette à essayer de faire de la formation et de l'éducation pour les enfants qui y restaient. Parce qu'on leur interdit, au fond. On dit, vous ne pouvez plus faire ça. Oui, vous ne pouvez plus faire ça. Et la plupart des enfants vont quand même être relocalisés, soit dans des petits instituts de réadaptation qui existent à cette époque-là, soit dans d'autres hôpitaux psychiatriques ou dans l'aile psychiatrique, finalement, de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu. Oui, c'est triste. Il s'est développé à Mont-Providence, mais ailleurs, on le voyait il y a quelques minutes, il y a toute une expertise quand même qui commence à se développer en déficience intellectuelle au Québec à partir des années 40, avec ce coup dur, la fermeture de Mont-Providence, en tout cas sa transformation profonde. Que devient cette expertise, Lucia Ferretti? Eh bien, l'expertise, elle sort du Mont-Providence, puisque le Mont-Providence est fermé, mais elle s'en va dans les instituts de réadaptation qui sont en train d'être créés. Elle s'en va aussi à l'École normale Jacques-Cartier, où on crée un programme d'éducation spécialisée pour former de nouveaux intervenants. Elle s'en va au gouvernement du Québec. Donc, finalement, dans la fin des années 50, on a finalement plusieurs endroits où les professionnels peuvent intervenir pour commencer à penser justement, bon, maintenant, c'est plus possible l'institutionnalisation à long terme, c'est plus possible de placer un jeune puis de le laisser là jusqu'à la mort. Donc, on a maintenant une expertise qui permet de penser au premier programme d'intégration dans la communauté. Puis évidemment, le fait qu'avec les années 60, la Révolution tranquille, cette construction d'un État québécois moderne, tout ça va aussi contribuer à ce que l'État prenne encore davantage en charge. Il y a un virage là qui s'effectue à partir du moment où c'est l'État vraiment qui s'occupe de déficience intellectuelle. De quelle manière ça va se faire, ce passage-là? Ah, c'est sûr. Les gens n'en sont parvenus à cette époque-là. Subitement, à partir de 1960, il y en a eu de l'argent au Québec. Oui. Avant ça, les sœurs, elles ne pouvaient jamais avoir vraiment beaucoup d'argent pour leurs institutions. Mais à partir des années 60, oui, l'État se met à intervenir. C'est ce qu'on a appelé l'époque du triomphe de l'État-providence. L'État se reconnaît une responsabilité vis-à-vis les membres un peu plus en besoin de la société. Il y a aussi quand même 3 déclarations internationales entre 1959 et 71 qui amène les États partout en Occident à reconnaître davantage de droits aux enfants, de reconnaître des droits aux personnes handicapées. Il y a les associations de parents qui sont nées surtout à partir du début des années 50, qui font beaucoup de pression aussi sur l'État, ce qui fait que enfin, il y a une offre de services un peu plus large qui se développe. Et puis c'est développé avec ces moyens nouveaux de l'État moderne québécois, toutes sortes de spécialités. Il y a des gens qui sont maintenant formés, éducateurs spécialisés. Les commissions scolaires, hein, graduellement, vont commencer aussi à s'occuper de cette question-là. Oui, et la marche vers l'intégration qui commence dans les années 60 de manière lente, mais en s'accélérant, fait en sorte que les enfants, on commence par être placés dans des classes spéciales, on s'en va progressivement, plus on avance dans les années, vers les années 80, dans l'intégration en classe régulière. Les enfants étaient institutionnalisés, on s'en va vers les foyers de groupe et après vers les résidences supervisées pour les adultes. Les ateliers de travail protégés sont progressivement remplacés par des incitations aux entreprises à embaucher des personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle. Donc on peut dire que de 60 au milieu des années 80, tout début des années 90, il y a vraiment un net mouvement vers l'intégration. Et ça s'accompagne forcément d'un mouvement de déshospitalisation. Qui va venir à la fin des années 80, ce qu'on va appeler la désinstitutionnalisation. Mais un mot quand même encore sur cette idée maîtresse. Donc 60, 70, 80, vraiment. Puis vous en aviez parlé un peu plus tôt, Lucia Ferretti, mais reconnaître la personne déficiente intellectuelle comme un citoyen à part entière, vraiment l'intégrer le plus possible dans toute sa vie, dans tous les champs d'activité, logement, travail, sexualité, vraiment faire de ces personnes des personnes à part entière. C'est ça l'idée maîtresse. C'est ça l'idée maîtresse. Ça ne s'est pas toujours fait à la hauteur des besoins, mais on doit reconnaître que des années 1960 jusqu'à la fin des années 80, c'est le mouvement et c'est un mouvement qui est soutenu par les familles, par les professionnels, évidemment beaucoup aussi par le gouvernement. Il y a une sorte de diapason là. Tout le monde est à peu près au diapason qu'il faut l'intégration. Mais une intégration soutenue, une intégration avec des services dans la communauté. Ouais. Autour de 1988, donc, on franchit un pas supplémentaire. Ce sera ce grand virage carrément de la désinstitutionnalisation. D'abord, un mot sur l'objectif, parce qu'il y aura des rates importantes d'associer à cette désinstitutionnalisation, mais l'objectif au départ, qu'est-ce que c'était? L'objectif, c'est justement de créer suffisamment de changements dans l'organisation des services pour que ces services-là soient disponibles, disons, ce soit des services généraux disponibles à tout le monde et également aux personnes vivant avec une déficience intellectuelle, et des services spécialisés, évidemment, réservés pour eux, mais toujours donnés dans la communauté. C'était un peu le grand objectif du document qui est quand même majeur, publié en 1988. L'intégration, ouais, c'est le premier mot, l'intégration des personnes présentant une déficience intellectuelle, un impératif humain et social. C'est le titre du document qui montrait bien la tendance. Or, malheureusement, si l'on peut dire, ce document-là clôt une période plutôt que d'en ouvrir une autre. Parce que finalement, le mouvement vers l'intégration, il avait commencé avant, mais il s'était accompagné de soutien dans la communauté. Ce qu'on va noter à partir des années 90, c'est l'intégration, oui, mais peut-être avec un certain effritement de services. Parce que c'est l'époque du début de ce désengagement assez important de l'État. Il y a moins d'argent. On n'est plus dans ces années glorieuses des années 60 dont vous nous parliez. L'État se désengage financièrement en même temps qu'on désinstitutionnalise. Ça va donner quel genre de résultats? Mais si vous me permettez, avant de parler des résultats qui, à mon avis, sont un peu désastreux, oui, j'aimerais quand même dire qu'il y a eu, après les années 90, un certain effort quand même de continuer. On a relancé l'intervention précoce, on a relancé les outils robotiques. Maintenant, on peut, avec des outils robotiques, favoriser l'autonomie des personnes dans leur propre milieu. On a donné des programmes de soutien à la formation en emploi. Donc, tout n'est pas noir. Maintenant, je vais dire des choses plus noires, mais tout n'est quand même pas noir à cause des luttes, à cause aussi des besoins. L'État a quand même continué à investir dans la déficience. Ceci dit, vous avez raison. Ceci dit, on assiste, surtout depuis les années 90, encore plus depuis les années 2000, à un désengagement financier. Mais ce qui est, dans un sens, assez impressionnant, c'est de voir que le gouvernement se réapproprie tout le vocabulaire de l'autonomie, de l'indépendance, de la responsabilité pour le retourner contre les personnes et les familles en les rendant de nouveau entièrement responsables de la déficience. Et en donc, quelque sorte souvent, seuls responsables de la déficience. Comme si l'État, non seulement financièrement, se désengage. Vous parliez de ces fameuses déclarations qui rendent l'État responsable. Les États acceptent cette responsabilité. On se détache aussi de ça. Oui, on se détache de ça. Pendant toute la période antérieure, il y avait quand même la conscience que la déficience n'est pas seulement une malchance individuelle, génétique, mais elle peut être aussi le produit des obstacles sociaux, le produit des inégalités sociales aussi. Et ça, c'était, on appelle ça le modèle social du handicap, c'est-à-dire que la personne n'est pas la seule responsable de sa malchance, bien sûr. Ce modèle-là est en voie d'être, on pourrait dire, mis un peu sur le côté en faveur d'un renouveau du modèle biomédical qui fait de nouveau de la déficience intellectuelle d'abord et avant tout une maladie génétique, souvent, et donc finalement une malchance qui tombe dans certaines familles. Retour en arrière, carrément, pour vous? Mais je pense qu'on est en train de revenir à des mesures qui favorisent la répression des délits et qui favorisent aussi le contrôle des personnes. On est en train de revenir, oui, souvent, à une désinstitutionnalisation. La désinstitutionnalisation est faite, mais à l'absence de soutien dans la communauté qui fait que si on n'a pas une famille qui nous soutient, alors c'est le système des portes tournantes, hein, la rue, l'urgence psychiatrique, pendant un certain temps, un peu d'hébergement, retour à la rue, etc., etc. C'est fou parce qu'au fond, ça nous ramène presque à l'un des premiers extraits qu'on entendait dans cette émission, ce désarroi au fond de la ville, de la grande ville, face à la déficience intellectuelle. On y est presque de retour comme à l'époque. Il faut s'arrêter là-dessus. Lucia Ferretti, merci beaucoup. J'aimerais dire que rien n'est joué et qu'avec de la mobilisation, on peut tout renverser. Lucia Ferretti, professeure, militante aussi, professeure d'histoire à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Merci infiniment. Merci à vous. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.